10, 12. Activation orale, désaccord. Répondez selon les exemples. Vous entendez? 1. Ça va. Et vous dites? Non, ça ne va pas. Vous entendez? 2. Ça ne va pas. Et vous dites? Si, ça va. Allons-y. 3. C'est facile. Non, ce n'est pas facile. 4. Ce n'est pas un joli prénom. Si, c'est un joli prénom. 5. Elle n'est pas mariée. Si, elle est mariée. 6. Elle travaille. Non, elle ne travaille pas. 7. Il ne travaille pas. Si, il travaille. 8. Vous parlez français? Non, nous ne parlons pas français. 9. Elle ne parle pas français. Si, elle parle français. 10. Elle est française? Non, elle n'est pas française.